Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire, les musées et le récit de l'histoire de la nation. Ah ben, voilà quelque chose qui fait régulièrement polémique dans les actualités. Nous allons porter un regard historique sur ce sujet. Encore une fois, nous partons au musée. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avez-vous déjà eu le plaisir pervers de visiter un musée avec un vieux guide? J'entends un vieux guide papier, un livre quoi. Prenons celui du palais de Versailles, le guide de Jean Watou en 1837. Jean Watou, qui est bibliothécaire particulier du roi Louis-Philippe. Il explique que par ordre du roi et grâce à d'immenses travaux, les anciens appartements ont été transformés en une galerie de 120 mètres incroyable. Sur les pans de murailles de la galerie, les tableaux retracent nos grandes victoires, depuis Tolbiac sous Clovis jusqu'à Wagram sous Napoléon. Création vraiment magnifique et digne de recueillir ce vaste trophée de gloire où chaque génération est venue suspendre ses armes et attacher un laurier. Oui, les musées et la gloire de la nation. La galerie à Versailles, la galerie des batailles, est toujours là. Elle est sublime. Mais la mission, sa vocation première, a-t-elle vraiment disparu? Dominique Poulot, bonjour. Bonjour. Vous avez un regard porté sur ce que disent les musées. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire du patrimoine et des musées, professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans cette idée de la narration de la nation, nous avons un regard qui se porte sur le 19e siècle, au moment où se construisent les mouvements nationaux. Mais en vérité, le musée lui-même porte une idée, une narration de notre histoire avant même la Révolution. Tout à fait. Alors l'exemple que vous avez choisi pour introduire cette séance est intéressant parce que la galerie de Versailles est en fait l'héritière, comme Philippe Ariès notamment l'avait montré, et aussi le grand Jean Adhémar, l'héritière d'une construction bien antérieure qui est en fait la galerie du prince. Louis-Philippe, on le sait, a été élevé jeune garçon dans une atmosphère qui était celle de l'Ancien Régime. Il a entièrement intégré, et avec une grande passion, parce qu'il était fasciné par l'histoire. Madame de Genlis, sa professeure bien connue, était une excellente pédagogue. Et il a voulu reprendre cette grande tradition de la galerie princière illustrée. Et en même temps, comme c'est un homme de la modernité, c'est un libéral, c'est un homme du 19e siècle, il a voulu en faire quelque chose de pédagogique, d'ouvert au public, en fait un instrument de propagande. Et le résultat, c'est cette espèce de mixte, si vous voulez, entre l'héritage d'une grande tradition historiographique, qui est celle de l'Ancien Régime, pour faire court, et puis d'autre part, la modernité d'un projet politico-historique qui consiste à réunir les deux France, puisque les Orléans se voulaient les héritiers à la fois de Valmy et de la Révolution française, et d'autre part de l'ancienne France, celle que les légitimistes leur contestaient. Et donc le Versailles, c'est ça, c'est une tentative de fusion à la fois politique et historiographique. Dominique Poulot, dans cette tradition d'Ancien Régime, de construire une galerie, de construire une collection qui parle de l'histoire, à quel moment sommes-nous en rupture entre la collection personnelle du souverain et puis la volonté de mettre en place une narration? Alors, dans le cas de la France, qui est un cas d'école absolument remarquable à cet égard, c'est évidemment la coupure révolutionnaire. Dans d'autres pays, ça s'est passé autrement, mais dans le cas français, la révolution de 89... instaure avec des phénomènes de confiscation, de spoliation, de nationalisation, une rupture absolument fondamentale entre les propriétés dynastiques ou religieuses et la propriété nationale. Et si on prend le cas plus restreint du musée d'histoire nationale, on a l'illustration parfaite de l'affaire avec le musée des monuments français installé par Alexandre Lenoir dans ce qui est devenu ensuite l'école des Beaux-Arts, l'actuelle rue Bonaparte, où il y a encore des restes d'ailleurs de cette installation, puisque le noir réunit des débris, métaphoriquement disons, des églises parisiennes, installe les tombeaux de Saint-Denis qu'il a fait venir grâce à des convois militaires et bâtit un musée d'histoire de la France par les monuments, que le jeune Michelet va visiter, fasciné, et dont il dira que c'est là qu'il a pris le sens de l'histoire, le goût du passé, etc. Et qui va être le premier musée d'histoire nationale, avec une propriété nationale de l'ensemble de ces tombeaux, morceaux, etc. Et ce musée va être liquidé par la restauration, par la seconde restauration, parce que politiquement, son message est insupportable lorsqu'on restaure l'ancienne monarchie. Eh bien justement, je vous propose de visiter la chapelle du couvent des Petits Augustins à Paris. Évidemment, il faut y aller. C'est toutes les reines Médicis, avec leur imagination un peu folle, qui ont l'idée de construire un peu un hôtel sur cette partie un peu de Paris, un peu loin, et qui d'ailleurs construit, par exemple, pour les architectes, c'est une chose assez intéressante, par exemple, le premier dôme construit à Paris. Le dôme de ce qu'on appelle aujourd'hui la chapelle des Louanges, et le premier dôme construit à Paris, c'est avant même celui de l'Institut. Alors c'est un dôme tout petit, les architectes français, ou je sais pas, même peut-être même il y avait des Italiens, ont construit des choses pas très hautes, pas d'un diamètre pas très important, mais c'était une prouesse technologique. Donc déjà, vous voyez, il y avait déjà peut-être une petite connotation un peu intéressante, un peu muséographique. Et donc les petits Augustins, ils étaient installés depuis quand même quelques temps, et ils vont y prospérer tranquillement. Ça va être une chapelle de quartier, très proche de Saint-Germain-des-Prés, de la fabuleuse, de la richissime abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'est une chapelle, une église de quartier, certaines personnes y sont enterrées. Disons qu'elle n'aurait pas eu un nom aussi illustre, n'a pas une postérité si le jeune Alexandre Lenoir n'avait pas décidé un jour d'y réaliser un rêve. Frédéric Chappet, conservateur à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts en 1989, parlait sur France Culture de ce musée, de ce rêve. Dites-nous, Dominique Poulot, quel est-il? Quand Alexandre Lenoir met en place son musée des monuments français, quel rêve a-t-il? Sauvegarder, raconter l'histoire de France? Quelle est sa démarche? Lenoir est un jeune peintre, et ça commence par là, à mon avis. Et il a une ambition artistique de s'accomplir comme peintre, comme artiste, ce qui ne sera pas le cas. Mais je dirais qu'il transforme cette ambition d'artiste dans le musée qu'il crée. Et ça, c'est un point, je crois, qu'il faut souligner, c'est que parfois, mes collègues historiens ou d'autres parlent des musées comme si c'était des livres, et en particulier des musées d'histoire, comme si c'était des livres d'histoire, vous savez, plaqués sur les murs. Or, un bon musée, c'est pas ça. C'est un instrument de l'imaginaire. C'est un lieu qui doit fasciner les visiteurs. Et les grands musées, en fait, sont souvent liés à des imaginaires personnels, ou au moins à des talents particuliers, je dirais, d'installateurs, de conservateurs, restaurateurs, metteurs en scène. Et le cas de Lenoir est tout à fait emblématique. Si ce musée a tant marqué les imaginaires de ses visiteurs, s'il a tant marqué comme lieu de mémoire, véritablement, au moins pour une génération et demie, l'histoire de France, et même l'histoire européenne, puisqu'il a fait vraiment figure de premier musée d'histoire nationale en Europe, c'est parce que Lenoir était un artiste, et que sa vision était celle, il le dit, d'un peintre qui organise les fonds de ses tableaux, donc qui sait maîtriser l'architecture, la mise en scène, le point de vue, le coup d'œil. Donc il va, il démarre, il n'y a rien, quoi. C'est ex nihilo. Il a un stock de monuments. Quand on parle de monuments au 18e, ce sont des tombeaux. Et avec ces tombeaux, il a l'idée absolument remarquable d'installer ce qui va devenir après au 19e, en fait, des period rooms, pour faire simple, c'est-à-dire des salles qui sont consacrées chacune à un siècle. Et on passe donc de la salle du 13e siècle à la salle du 14e, à la salle du 15e, à la salle du 16e, pour arriver à la raison, c'est la Renaissance, c'est le XVIIe siècle classique. Puis, dernière incarnation de Lenoir, qui était aussi qui devait être un bon courtisan sous Napoléon, on devait arriver à la salle du XIXe siècle, la salle de Napoléon le Grand, qui eût été illustrée soit par l'expédition d'Égypte, soit par des maquettes des principaux monuments que l'empereur et roi, comme on disait, faisait ériger à l'époque à Paris. Donc c'est un imaginaire global, c'est toute l'histoire de France, des origines obscures à l'état radieux de la Révolution et de l'Empire. Et le montage est extrêmement bien fait. Les plafonds, par exemple, sont peints pour la salle du XIIIe siècle avec un plafond bleu avec étoile dorée qui est incroyablement néo-gothique à nos yeux, mais qui pour lui correspondait exactement à l'ambiance du Moyen-Âge. Donc c'est un musée d'ambiance historique et en même temps c'est un musée philosophique puisqu'on part d'un point A qui sont les âges obscurs pour aller vers les âges éclairés, lumineux, à la fois philosophiques et historiques. Quand les musées racontent l'histoire de la nation française dans le cours de l'histoire sur France Culture, avec ce chaos révolutionnaire, bien sûr, et cette volonté dans la narration de l'histoire de France, de ce point d'aboutissement, vous nous en parlez, Dominique Poulot. En fait, cette narration a pour but de montrer que le gouvernement en place, que ce soit l'Empire avec Napoléon, ou que ce soit la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe, que c'est formidable. En fait, j'ai l'impression, vous allez me corriger si je dis une erreur, que le musée est construit pour justifier le pouvoir du moment. Oui, c'est la fonction, si vous voulez, de tout musée, que de servir celui ou plus rarement celle qui l'a fondé. Et puis, il faut pas oublier que pendant tout le 19e et même au-delà, au 20e, je dirais, la nation est le moteur de la construction des musées. C'est-à-dire, si on, par hypothèse, on supprimait la nation comme forme de l'État, s'il n'y avait eu que des États monarchiques, tyranniques, plutocratiques, etc., eh bien, on n'aurait pas le musée tel que nous le connaissons. Parce que, pour moi, vraiment, c'est comme le moteur, c'est comme l'invention du moteur à explosion, si vous voulez. C'est ça qui fait tourner le musée dans ce que nous lui connaissons, encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, que ce soit un musée d'histoire ou que ce soit un musée d'art, parce que, fondamentalement, les grandes galeries sont aussi des musées nationaux. Et puis, nous pourrions évoquer d'autres formes de musées, comme les musées d'histoire naturelle, le muséum. Il y a cette notion d'évolution que nous retrouvons sans cesse, cette volonté de comprendre. Dominique Poulot, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire du patrimoine en Occident, 18e, 21e siècle, du monument aux valeurs et d'une histoire des musées de France, 18e siècle, 20e siècle. La place accordée à la nation change-t-elle l'histoire du musée? Est-ce une rupture dans l'histoire que vous regardez sur ce temps assez long? Je crois que on peut dire que c'est une rupture, au moins si l'on associe nation et démocratie, puisque au XVIIIe siècle, il y a des monarchies qui connaissent ce qu'on appelle le sentiment patriotique, et d'ailleurs c'est le cas en France sous Louis XVI, le patriotisme est un bon moteur de musée, dont Givillet, le surintendant des bâtiments, va imaginer un premier Louvre qui n'ouvrira jamais, mais pour des raisons multiples. Et ce premier Louvre est clairement un Louvre patriotique. Est-ce à dire que c'est un Louvre national, comme on le connaîtra par la suite? Je ne crois pas, parce que entre-temps, il s'est passé la Révolution, il s'est passé l'avènement de la démocratie, il s'est passé le cri de Valmy, vive la nation, et aussi bien philosophiquement, du point de vue de la philosophie politique, que socialement, c'est un bouleversement dont le musée a dû prendre acte et qui l'a profondément modelé. Donc je crois que vraiment, le musée marche, si vous voulez, à la nation, à l'état-nation démocratique et libérale, pour prendre le cas de l'Europe du 19e siècle, et que c'est vraiment différent de la situation antérieure, où on pouvait avoir des collections aristocratiques, dynastiques, patriotiques, mais qui étaient différentes. Le modèle, en fait, de Louis XVI de l'époque, c'est Westminster Abbey. C'est donc quelque chose de très différent. Et puis le moment de la monarchie de juillet avec Louis-Philippe qui met en place cette galerie des batailles au château de Versailles. Allons-y avec pour guide Victor Hugo. Ce que Louis-Philippe a fait à Versailles est bien. Avoir accompli cette œuvre, c'est avoir été grand comme roi et impartial comme un philosophe. C'est avoir fait un monument national d'un monument monarchique. C'est avoir mis une idée immense dans un immense édifice. C'est avoir installé le présent dans le passé. En un mot, c'est avoir donné à ce livre magnifique qu'on appelle l'Histoire de France, cette magnifique reliure qu'on appelle Versailles. Élodie Hubert qui disait dans le cours de l'histoire ce texte de Victor Hugo, c'est dans Chose Vue, le 10 juin 1837, au moment où les Français s'intéressent à cette galerie historique de Versailles. Et Hugo, dans le texte, nous l'entendons, fait un jeu de va-et-vient entre le passé, le présent, la gloire, la monarchie, la nation. En fait, le musée doit-il être polémique ou peut-il effacer la polémique? Dominique Poulot, en 1837, quand Louis-Philippe met en place ce musée, y a-t-il polémique ? Alors, c'est l'époque, c'est un texte magnifique que je donne régulièrement à mes étudiants, donc je l'entends avec beaucoup de bonheur. C'est un texte où il y a énormément de choses et qui pourrait suffire en fait à faire une série d'émissions, parce que c'est fabuleux, vous l'avez dit. Le musée de Versailles est là pour, non pas pour effacer une polémique, je dirais, mais pour effacer la fracture des deux France. On l'a évoqué. Après, si on monte en généralité et si on se demande si tout musée a fonction, en fait, alors non pas d'évacuer les polémiques, mais je dirais de donner un tour positif pour celui qui le bâti aux polémiques ou au partage ou aux ruptures. C'est-à-dire que un musée, encore une fois, c'est une machine à donner du sens. Il faut que le visiteur, au cours de son parcours, soit convaincu, soit ému, soit transporté éventuellement dans un autre pays, dans un ailleurs historique ou exotique. Et il faut qu'il ressorte avec peut-être pas des connaissances supplémentaires. Il ne s'agit pas de lui faire ingurgiter des connaissances, mais un fil, une manière de se situer, soit dans une géographie, soit dans une chronologie, voilà. Donc en cela, je dirais que il est absolument impossible d'imaginer un musée qui ne soit qu'au service de polémiques ou qui ne soit qu'au service de critiques. Il faut que de la mise en scène d'éventuelles polémiques ou critiques, il ressorte finalement une forme de leçon, je dirais, pédagogique, et sans verser forcément dans la propagande, bien entendu. La propagande, parfois, n'est pas loin, effectivement, mais ce n'est pas la mission première. Le musée est construit, il faut les contextualiser, toujours chez ces musées, avec une idée particulière. Vous avez évoqué l'idée de voyage, d'exotisme également, avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Paul Fagianelli Brocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en littérature comparée et vous faites une thèse actuellement. Alors, il faut toujours citer son directeur de thèse, c'est essentiel. Oui, je suis en train de travailler sous la direction de Jean-Marc Moura en littérature comparée à l'Université Paris-Nanterre. Et alors, le sujet de votre thèse, expliquez-nous en fait votre démarche exotisme, spectacle, exposition, roman de l'ailleurs dans les cultures coloniales européennes. Quelle est la place du musée que vous accordez dans votre domaine de recherche ? Alors, le but de cette recherche, c'est de s'intéresser aux différentes formes de l'exotisme dans le roman britannique et français à la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle, pour se demander comment l'exotisme peut servir de lieu littéraire pour interroger la modernité impériale et coloniale qui, à l'époque, se formule et se critique aussi hein, au sein des métropoles. Le musée, alors dans ses romans, va permettre d'interroger dans le spectacle qu'il offre la mise en scène de l'ailleurs et de l'exotisme. La mise en scène de l'ailleurs et de l'exotisme dans un contexte très particulier qui est celui du monde colonial. Mais la colonisation a une histoire aussi, ce n'est pas un tout. Le ailleurs, Dominique Poulot, a sa place dans un musée de la construction de la nation française avant le grand mouvement de colonisation à la fin du 19e siècle. L'ailleurs a toujours eu une place, si je puis dire, dans la mesure où la construction de la nation, de l'art national, est toujours liée à un ailleurs. Alors, bon, prenons le cas du premier musée d'histoire nationale que j'évoquais sous la Révolution et l'Empire, qui est le musée des monuments français. Vous avez une salle, plusieurs salles qui sont consacrées au gothique. Or, dans les hypothèses du temps, le gothique est un art de l'ailleurs. En fait, le gothique est un art des Sarrasins que les croisés ont ramené avec eux en Europe. Et par conséquent, quand Napoléon Bonaparte fait la visite du musée avec Joséphine, sous la direction évidemment éclairée du directeur fondateur du musée, qui raconte la visite, le noir veut expliquer que Napoléon Bonaparte a parfaitement compris le sens du musée, le sens des salles, ce qu'il lui avait dit, et il dit... Évidemment, on ne sait pas si c'est une invention de Lenoir pour montrer combien ça marchait, son musée. Il explique que Napoléon lui a dit « Lenoir, vous m'avez transporté en Syrie ». Parce que la Syrie, voilà, c'était l'origine, on va retrouver ça dans le génie du christianisme de Chateaubriand, c'est l'origine du gothique. Autrement dit, la définition de l'art national français passe par l'ailleurs. Et cet ailleurs, on le retrouve dans tous ces récits sur l'influence de l'art italien, etc. Sur toute l'histoire de l'art, on a ce discours qui va bâtir la grandeur de l'art français à partir d'influences étrangères. Donc l'ailleurs, si vous voulez, il est présent dès l'origine. Voilà, on s'en nourrit, on le dépasse éventuellement, on s'en inspire. Bon, après, il y a un autre modèle, qui est le modèle de la colonisation, qui est un modèle, si j'ose dire, inversé, puisque là, on va nourrir les colonies de notre savoir, de notre grandeur, de notre technique. On va leur apporter la religion, il y a les musées missionnaires. Voilà, il y a ce double mouvement, si vous voulez, de l'influence et de l'apport. Et puisqu'il faut toujours regarder ailleurs, ben nous pouvons regarder ce qui se passe dans les autres pays. Le comparatisme est essentiel. Paul Faggianelli-Brocard, dites-nous, votre sujet d'étude porte sur les cultures coloniales européennes. Y a-t-il une spécificité française dans cette construction de la nation à travers le musée ? Alors oui, d'abord parce que l'histoire des musées en France est très particulière par rapport à l'histoire des musées dans les puissances voisines, par exemple en Angleterre, notamment parce que les institutions muséales se sont modifiées, ont subi une refonte à partir de la Révolution, ce qui a permis aussi de centraliser de manière assez considérable les lieux d'exposition et de recherche. Pour ce qui concerne les musées, on peut évoquer le Muséum d'histoire naturelle, hein, qui, à cette époque, va remplacer la Ménagerie royale et qui va devenir en fait un centre de recherche très réputé en Europe et qui va centraliser les différents spécimens de plantes et d'animaux que les différents scientifiques, mais aussi amateurs, vont récolter dans les différentes parties du monde dans lesquelles se déploie alors un très grand nombre de voyages à dimension scientifique. Cette précocité, si j'ose dire, dans le 19e, de cette centralisation, elle va singulariser le cas français, en tout cas dans les domaines du naturalisme et des sciences botaniques, puisque si on compare avec la métropole britannique, en Angleterre, il y a plusieurs institutions qui sont en concurrence, rien qu'à Londres, hein, jusque dans les années 1850, jusqu'au moment où vont s'élaborer, hein, les grandes expositions universelles. Donc on a en effet un modèle très centralisé en termes scientifiques en France, ce qui va aussi conditionner une certaine mise en récit de l'histoire du monde, à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue naturaliste. Et justement, dans ce regard sur une spécificité française, Dominique Poulot, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est la pluralité des musées. Quand nous parlons musée, nous imaginons musée d'art. Il n'y a pas que des musées d'art, il y a d'autres formes de musées. Mais y a-t-il cette spécificité française, selon vous, où la nation se raconte au musée ? Alors il y a plusieurs spécificités. La plus notoire, évidemment, c'est la forme d'universalisme qu'a revendiqué le nationalisme français. On parlait du muséum d'histoire naturelle tout à l'heure. Michelet écrit aussi sur le muséum d'histoire naturelle et on sait la série de livres que Michelet a dédié à l'oiseau, enfin un certain nombre de ses intérêts naturalistes. Et quand il visite le muséum, il a cette encyclopédie du monde naturel qui lui parle au fond aussi de la grandeur de la France, de la grandeur de ses savants, du travail multiplié sur tous les continents qui aboutit à cette collection. Donc il y a cette version universaliste du propos républicain qui va s'incarner évidemment dans le discours muséographique français, de même qu'en Angleterre, l'impérialisme britannique va régir jusqu'à l'architecture du British Museum avec son fronton, etc. Donc chaque nation, oui, va évidemment imposer sa marque, je dirais, sur le type de musée. Si on prend Berlin, avec la Galerie Nationale de Berlin, qui est en fait plus ou moins une copie du temple du Valhalla de Hohenlohe, on a une image qui est incroyablement, entre guillemets, germanique pour un Français qui la regarde, parce que c'est un temple à la nation allemande qui est à construire, puisqu'à l'époque, il n'y a que la Prusse et que l'unification arrivera plus tard. Donc il y a toute une série de projets qui sont effectivement différents. Et puis il y a des exceptions notoires. Par exemple, en Italie, vous ne trouvez pas de musée national, entre guillemets. Ça ne marche, si j'ose dire, que pour l'art contemporain. Il y a une galerie nationale et de l'art contemporain. Mais sinon, vous avez les offices, vous avez le Vatican, vous avez la Brera, vous avez Venise, bien sûr. Vous avez donc un paysage de musée qui est complètement différent, et il suffit pas de dire que le Risorgimento est arrivé plus tard et que voilà, c'est parce que ces galeries nationales entre guillemets sont aussi des galeries locales et que le musée italien a une physionomie tout à fait différente de la physionomie d'un musée provincial français. Oui, cette spécificité selon les pays est également liée à notre construction historique, avec nos propres gloires nationales. Alors, parfois, elles dépassent les frontières, et c'est vrai que nous connaissons les gloires nationales de l'Italie, mais pas toutes. Et nos gloires nationales, je suis pas sûr que les Italiens les connaissent toutes. Nous allons visiter le château de Versailles avec un guide exceptionnel. Je vous l'annonce tout de suite, sourire, c'est Bourvil. Ce qui prime tout, c'est de se souvenir que toute l'histoire de notre pays s'est déroulée dans ce château pendant plus de 300 ans. Et que ce soit dans cette pièce ou dans la pièce suivante, que Louis XIV ait dit à Molière « Bravo, à Turenne, merci, à La Vallière, je t'aime », l'importance, c'est qu'il l'ait dit, n'est-ce pas ? Maintenant, si ça vous plaît à vous, d'imaginer que Voltaire a ouvert cette porte, ou que la Pompadour se promène dans le parc avec Jean de La Fontaine, ne vous en privez pas. Les omissions, les erreurs, tout comme les anachronismes, on s'en fiche bien quand c'est le cœur qui les commet, n'est-ce pas ? Et si ça me plaît à moi de les imaginer tous, pêle-mêle, descendant le plus bel escalier du monde, c'est mon droit. Et justement, je les imagine en ce moment. Je les vois. Et là, dans le film de Sacha Guitry, si Versailles m'était compté en 1954, toutes les gloires nationales descendent l'escalier du château de Versailles. Bourvil comme guide conférencier, c'est absolument magique, avec ces figures qui construisent aussi le récit de la nation, et la place laissée à ces héros est importante. Dominique Poulot, nous avons entendu Turenne évoqué dans l'extrait. Turenne, à lui seul, l'histoire de Turenne ou de la mémoire de Turenne raconte, en fait, j'ai l'impression, comment la nation peut s'accaparer une figure. Oui, le cas de Turenne est effectivement assez fascinant puisque il passe à travers l'épisode révolutionnaire. On va séparer son corps, sa dépouille qui sera mise un temps comme une curiosité d'histoire naturelle, alors que le tombeau va au Musée des Monuments Français s'inscrire dans la chronologie de l'art français. Puis Napoléon décide de réunir les deux et on passe aux Invalides où Turenne devient ce qu'il est en fait, c'est-à-dire un grand homme de l'histoire militaire. Honoré au-delà des vicissitudes des régimes politiques. Ce qui est intéressant dans ce moment fascinant de Versailles qu'on vient d'écouter, c'est que Guitry a très bien vu et au fond est l'héritier direct d'un concept fondamental dans le musée national qui est le Panthéon et qui est le fait de réunir de manière imaginaire tous les grands hommes, un peu de grandes femmes, mais souvent ce sont des maîtresses des rois, bien entendu, autour d'un lieu unique. C'est ce que Lenoir avait réalisé dans le jardin Élysée du musée. C'était le rêve du Westminster que les Français n'avaient pas et dont Voltaire, dans les lettres philosophiques, dit qu'il faudrait procurer à la monarchie française un endroit pareil. C'est Versailles, on l'a vu, puisque il y a cette flore. Alors ça, on l'a oublié, mais dans la cour, il y avait une extraordinaire floraison de bustes, de statues, on voit ça sur les documents anciens, qui peuplaient véritablement le château. Et puis c'est ce qu'on voit aussi autour du Prado, sur les façades de tous ces grands musées 19e, c'est-à-dire un peuple de statues. Alors souvent on met des peintres, des sculpteurs, parce que bon, ce sont des musées d'art, ce sont des galeries nationales, mais on pouvait aussi mettre des grands ministres, et ces musées du 19e sont peuplés à l'extérieur, dans les jardins qui les entourent généralement, sont peuplés de statues qui constituent le panthéon de la nation. Alors ça, on le voit moins aujourd'hui, parce que ces statues, elles ont été déménagées. On a mis des Mayol, par exemple, autour du Louvre, sous Malraux. Enfin, on a complètement bouleversé cette topographie. Mais il y avait une extraordinaire topographie monumentale autour de ces musées, et ça les inscrivait au sein des capitales des différents pays européens de manière tout à fait emblématique. Des figures, des personnages, hommes, femmes, qui racontent l'histoire, ces héros, ce panthéon que vous évoquez, Dominique Poulot, nous le retrouvons dans la narration de l'histoire de France au moment de la colonisation, des héros de la colonisation. Et pourtant, Paul Fagianelli Brocard, il y a des personnages qui sont oubliés, ce sont ceux qui sont colonisés. Comment se construisent ces expositions universelles ? Des gens sont connus, les héros de la colonisation, les autres sont présents, mais anonymes, complètement anonymes. Comment réfléchit-on à exposer le colonialisme ? Alors, l'exposition du colonialisme, elle va se faire en plusieurs temps. Elle est aussi le fruit d'une histoire assez longue qui court depuis le début du 19e, enfin, je pense qu'on peut en effet la faire remonter jusqu'à cette centralisation des différentes explorations scientifiques par les musées, notamment en France, et évidemment les concurrences qui existent entre les institutions, par exemple britanniques et françaises. Mais la préoccupation pour l'exposition du monde colonial, ou des mondes coloniaux, ça va s'élaborer progressivement à travers des expositions universelles qui sont antérieures aux expositions dites coloniales, puisque c'est un objet très spécifique au 19e, les expositions coloniales, bien que évidemment au cours des expositions universelles qui vont se mettre en place de manière assez récurrente à partir des années 1850, on va réserver une part croissante au monde colonisé. Donc ça va être en fait ces moments extrêmement spectaculaires de mise en scène des puissances impériales qui vont s'établir autour de différents pavillons avec leurs colonies et donc se mettre en scène comme des lieux de pouvoir, comme des instances qui rayonnent à travers la planète et qui vont sélectionner un certain nombre d'exemples de ces réalisations au sein de du monde colonial dont elles sont les dirigeantes. Après, les expositions universelles ne sont qu'un de ces moments dédiés à la colonisation et à la mise en scène notamment de l'exotisme et du monde colonial. puisqu'un certain nombre d'institutions vont aussi s'engager sur cette voie-là, sur cette voie, notamment les institutions que sont les parcs zoologiques, et par exemple en France, hein, la Société d'acclimatation de Paris qui va, on va dire, s'engouffrer dans la manne financière que représente l'exposition des mondes coloniaux à travers donc des spécimens d'abord animaux pour faire tenir son modèle économique. Hein. C'est aussi cette question-là qui se pose, c'est comment la médiatisation de la colonisation par les expositions fabrique aussi de la richesse, fabrique non seulement une représentation du pouvoir, mais aussi des rentrées d'argent assez considérables pour les instances qui contribuent à les organiser. Quand les musées racontent l'histoire de la nation française, en vous écoutant, Paul Falchal et Nick Brocard, nous voyons bien que cette histoire de la nation française ne se raconte pas uniquement au musée Dominique Poulot. En vérité, le musée ne raconte pas la nation. J'ai l'impression que c'est un ensemble de narrateurs, d'institutions, et puis que l'on va retrouver dans la littérature, dans des écrits. Le musée, ici, est un peu une synthèse, pourquoi pas, mais une synthèse qui se veut apaisée. Nous l'avons déjà évoqué pour le 19e siècle, pourtant, la polémique revient sans cesse. À quel moment la polémique naît au musée? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le musée qui raconte l'histoire de France pose problème? C'est un problème social, en fait, qui est hors du musée. Alors, il est clair que le musée ne raconte pas l'histoire de France tout seul et que la pédagogie l'a accompagné. Si on reprend le cas emblématique de Versailles, on sait bien que la popularisation des grandes scènes emblématiques de l'histoire de France, dans le style des 30 journées qui ont fait l'histoire de France, etc., tout ça a été alimenté par les illustrations des manuels du primaire, par le petit Lavis, évidemment, ensuite, et qu'il y a une forme de symbiose, je dirais, entre les images les plus spectaculaires, dont chacun peut avoir au fond le souvenir quand il a suivi le cours d'instruction primaire, et puis ce qu'il voit à Versailles ou ailleurs. Donc il y a une forme, si vous voulez, de reconnaissance, c'est-à-dire c'est au fond on baigne dans un ensemble d'images emblématiques, on pourrait qualifier d'images d'épinal pour aller vite, de l'histoire de France. On reconnaît Jeanne d'Arc il faut aussi dire que il n'y a pas que les grands musées nationaux. Il y a aussi quelque chose comme le musée Grévin qui présente un récit historique aussi de la gloire de la France. Donc, à travers aussi bien le musée de Cire, des installations commerciales, on l'a évoqué, que dans des grands musées politiques, et bien sûr à l'école, et bien sûr dans la presse, on a effectivement un discours d'histoire de France qui se construit, se perpétue. Et on se reconnaît à travers toutes ces images, vous avez vraiment raison de le souligner, dit Dominique Poulot, parce que ce sont des images que l'on voit dès qu'un livre d'histoire a besoin d'être illustré. C'est dans ces images-là que l'on puise bien souvent pour une bataille que l'on n'a pas beaucoup en représentation, Tolbiac, etc. C'est formidable et c'est pratique, ces images du 19e siècle. Mais elles posent problème à un moment, notamment au moment des guerres. C'est-à-dire que la nation française racontée à travers les batailles, au moment où la France a souffert de la guerre, ne peut plus se raconter de la même manière. En fait, ce qui se joue, c'est que ces illustrations, pour prendre ce terme-là, ces illustrations de l'histoire de France que fournit Versailles, à un moment, ne sont plus crédibles. Elles sont plus crédibles pour toute une série de raisons, mais aussi parce que l'historien change de modalité, finalement, et que le rapport aux documents authentiques devient essentiel, et qu'on ne peut plus illustrer aujourd'hui, même si ça se fait toujours, je le reconnais, mais un manuel avec une image du Moyen-Âge tel qu'il a été peint vers 1830. On a évidemment cette question de l'authenticité. Et puis, je dirais que, alors si pour répondre à votre question sur la polémique et sur, je dirais que, bon, il y a la guerre, mais il y a certainement avant tout comme événement monstre, je dirais, le post-colonial. C'est ça qui véritablement a bouleversé les modalités. Et on parlait tout à l'heure du musée colonial. Peut-être le plus grand et le plus intéressant historiquement des musées coloniaux européens, c'est Ter Vuren, c'est ce fameux musée du Congo belge. Or, il y a par exemple dans ce musée des colonnes de noms qui sont exclusivement les colonnes de noms belges, de militaires, de missionnaires, commissionnaires, d'employés de l'administration royale, etc. Et un des artistes contemporains qui avait été appelé pour, avant la refonte d'ailleurs du musée, pour essayer de contester, avait ajouté des blancs. C'est-à-dire qu'à côté de cette immense liste de noms, il y a tous ces blancs, tous ces X, toutes ces traces qui sont celles des Africains qu'on a mutilés dans l'abominable administration du roi des Belges de l'époque, et qui ne figurent pas dans ce musée et qui sont à nouveau là, enfin qu'on essaie d'introduire d'une certaine manière. Et la transformation de Tervuren en musée d'Afrique, en Africa Museum, est tout à fait emblématique de... Alors là, on est au-delà de la polémique, hein, on est au-delà, bien au-delà de la contestation. C'est vraiment un autre discours historique qui essaie de s'inscrire dans les murs de ce vieux musée colonial et sous le drapeau, si je dirais, du post-colonial et de la révision historique. Un musée exceptionnel, il est vrai. Dans sa version première, c'est Tintin au Congo. Nous le voyons très bien. C'est là où Hergé, d'ailleurs, Absolument. S'est inspiré pour réaliser son œuvre. Justement, Paul Fagianelli-Brocard, dans cette mise en exposition du fait colonial, il y a tout un jeu qui montre que le monde colonial doit subir la mission civilisatrice. La forme de l'exposition elle-même conduit à transformer le jugement du visiteur. Alors oui, le modèle de l'exposition coloniale, hein, il va se préciser au fil du 19e, hein, pour arriver jusqu'à cette espèce de grande célébration qu'est l'exposition de 1931, qui est vraiment resté, hein, comme étant le modèle prototypique de ce qu'on pouvait faire comme de ce qu'on pouvait imaginer comme exposition coloniale au 19e. Alors oui, l'idée, c'est évidemment de mettre de proposer aux visiteurs qui va venir en famille. C'est une attraction très, très populaire, hein, notamment en 1931, hein, lors de la grande exposition coloniale qui se tient à la Porte Dorée. On va mettre en scène les mondes colonisés. Donc vous avez dans les plans de l'exposition coloniale de 1931 qui sont restés très précis, dont on a beaucoup de traces, hein, on a différents pavillons qui sont les pavillons des différentes colonies, dont on a reproduit une architecture typique. Donc on a cette espèce de miniaturisation de l'habitat, de l'architecture locale. Donc on a aussi toute une construction de la typicité et de l'exotisme de telles constructions. Et on a évidemment les colonisés qui sont amenés en grand nombre dans ces expositions pour être montrés, alors que ce soit dans des zoos humains, ce qui va se dérouler notamment dans le jardin d'acclimatation, hein, qui est géré par la Société d'acclimatation de Paris. Et ça se déroule à partir des années 1870. Et ces personnes-là, hein, qui sont amenées en Europe pour être montrées dans une forme de spectacle, on va donc leur demander de justement démontrer cette typicité, démontrer cet exotisme. Il faut savoir que ces troupes de personnes colonisées, hein, vont tourner dans l'Europe pour proposer pour être amenées, pour être montrées dans différentes scénographies d'exposition. Et d'où la nécessité, nous le comprenons bien, d'actualiser la narration de l'histoire de France à travers le musée. Ces vieux musées d'histoire de France ne sont plus valides. Et c'est vrai que quand dans les années 2000, il a été question d'un musée d'histoire de France, certains ont dit mais il existait déjà à Versailles. Mais vous nous avez dit, Dominique Poulot, que non, bien sûr, il était daté. Dès lors, un nouveau musée, oui, mais polémique. La Maison d'Histoire de France vient d'être créée sous forme d'établissement public par un décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres qui entre en vigueur le 1er janvier 2012. Alors c'est une maison qui aura une proposition muséographique, mais ça n'est pas seulement un musée, c'est un lieu de rencontre entre les historiens et leur public, entre les publics de l'histoire. Alors pour les publics, des œuvres à présenter, des panneaux explicatifs, un parcours muséographique, mais aussi la mobilisation de toutes les techniques les plus avancées pour permettre de faire rencontrer l'histoire, faire comprendre l'histoire à ceux qui s'y intéressent sans savoir vraiment où sont les informations. La Maison d'Histoire de France a un projet numérique très important. C'est son principal outil pour fédérer toutes les initiatives autour de l'histoire et pour rassembler dans un même lieu toutes les informations disponibles disponibles pour l'histoire et pour les rendre accessibles à tous les publics qui s'intéressent à l'histoire. Et c'est un lieu pour les chercheurs, pour les historiens, qui là aussi sont dispersés sur tout le territoire, et nous voudrions être la maison commune de tous les historiens aussi. L'histoire est une passion française depuis au moins la Révolution, et j'aime bien l'expression du ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, la maison de l'histoire, c'est la France. Voilà, au moins c'est clair, c'est Marie-Yvonne de Saint-Pulgent qui était vraiment au cœur de ce projet de Maison d'Histoire de France. Dominique Poulot, je ne peux pas vous demander de refaire la polémique, ça n'a pas d'intérêt. Mais, parce que le projet d'ailleurs a été abandonné, c'est un projet du président Nicolas Sarkozy. Mais dans le regard que vous portez sur le temps long, sur le patrimoine et la relation entre le patrimoine, son exposition et la nation, quelle est la place dans les années 2000 de cette Musée d'Histoire de France? C'est un anachronisme ou s'il y a une véritable continuité? Il y a eu deux positions intéressantes. On va pas faire de la polémique, effectivement. Il y a eu celle de Nora, Pierre Nora, qui disait, c'est absolument inutile parce que nous n'avons pas besoin d'un musée vu l'enracinement de notre conscience nationale, etc. Et Nora pensait évidemment à la construction de ce grand musée d'histoire nationale allemande à Berlin. Après, évidemment, la réunification et le propos, c'était de dire « eux en ont besoin, mais pas nous ». Et puis, il y avait Étienne François qui disait « mais c'est une chance tout à fait évidente de s'inscrire dans un mouvement finalement européen ». Qu'on observe effectivement à cette époque-là, qui a donné naissance à ce musée allemand, mais qui a aussi donné naissance à la Maison d'Histoire de l'Europe, que nous avons à Bruxelles depuis quelques années, et qui est au fond une bonne illustration de tout ce qu'on vient d'entendre. C'est d'ailleurs le recours à des bases de données, le recours à des techniques virtuelles, le recours à toute une série de mises en réseau, de discours pluriels. Donc ce projet, il y avait des personnes remarquables, mais qui étaient excessivement mal ficelées, qui est tombé victime de son contexte et probablement du côté quelque peu manipulateur que le politique a entrepris de lui donner. Ce projet, néanmoins, faisait partie, sur la longue durée, comme vous dites, d'un moment, je dirais, européen, et peut-être au-delà, mais on ne va pas rentrer dans les détails, d'un moment européen où, autour du concept d'ailleurs un peu différent du musée, de la maison, parce que c'est aussi un moment où le musée fait un peu vieillot et où on se dit oh là là, on va pas employer ce terme, d'où le nom de cité de l'immigration par exemple, de cité de l'architecture, qui sont en fait des musées mais qu'on n'appelle pas musée parce que ça fait ringard et ça fait un peu propagande et donc on veut passer à autre chose. Là il y a incontestablement un moment qui est à la fois un moment politique, un moment historiographique et un moment muséographique ou muséologique, je dirais, et il se trouve que la France, oui, l'a raté, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, ça a été abandonné, alors que dans d'autres pays, ou à une autre échelle, celle de l'Europe, on a, et avec d'ailleurs une équipe qui était largement allemande, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais enfin, on l'a raté, et d'autres l'ont fait. Les Allemands l'ont fait, notamment. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que cet échec parle aussi de l'état de la société à ce moment-là. Étudier la relation entre le musée et la nation nous montre un peu la température nationale du moment. Merci vivement Dominique Poulot. Je rappelle, une histoire du patrimoine en Occident, 18e, 21e siècle, une histoire des musées en France. Et merci à vous Paul Falgianelli-Brocard et rédigez bien votre thèse. Il est temps pour nous, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, les espions qu'on aimait, la disparition des aventuriers du renseignement. Les espions, les vrais, les tatoués, ceux qui s'exposaient à être découverts, qui changeaient leur apparence pour leurrer l'ennemi et lui soutirer des informations mine de rien, seraient en voie de disparition. C'est en tout cas la thèse de Maria Saukio dans El País, relayée par Courrier International. Un des derniers représentants de ces agents de renseignement façon guerre froide est mort en décembre. George Blake était un de ces derniers espions old school. Et c'est le Kremlin qui a rendu hommage à son patriotisme en tant qu'agent double britannique au service, bien sûr, du KGB. « Mais au-delà de cette génération qui disparaît, n'est-ce pas la nature du métier d'espion qui changerait ? Paré des artifices héroïques de la fiction, l'aventure disparaît avec la technologisation du renseignement et le récit de ses hauts faits d'armes s'en trouve bouleversé. Les hommages de cette corde de dissimulateurs professionnels se multiplient en une chorale funèbre pour enterrer le roman de l'espionnage façonné au XXe siècle, notamment grâce à John le Carré, lui aussi disparu en 2020. Les missions sous couverture, les tricoteuses de la Première Guerre mondiale qui guettaient les trains entre la France et la Belgique, les faux journalistes et les femmes fatales manipulatrices ont nourri un imaginaire qui se modernise. Ce n'est pas l'espionnage qui disparaît, mais ses personnages les plus pittoresques, leurs décors et la romantisation de leurs exploits qui régalaient les lecteurs et les éditeurs de romans et de films qui s'en inspiraient. Et je suppose même que le tout premier agent secret fut ce brave serpent qui dit à Ève, notre mère, « Cette pomme est délicieuse, vas-y ma fille, tu peux la manger » et qui ensuite retourna voir le malin en lui disant « Mission accomplie et réussie ». À contre-courant de ces récits palpitants et spectaculaires, en 1966, Georges Langelanne, agent secret britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, racontait sa carrière dans une conférence de l'Université des Annales. Ses compétences relèvent du roman d'aventure. Il savait tuer avec un journal ou une boîte d'allumettes, il savait aussi faire dérailler un train avec un pardessus roulé en boule. Il y raconte aussi la peur, la manipulation, les moments comiques et la mélancolie de l'espion. Les exploits des services de renseignement sont d'ailleurs longtemps restés infréquentables. Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis ont fondé une partie de leur récit national sur la fierté de leurs services de renseignement, alors qu'ailleurs, en France notamment, on taisait pudiquement cette manière jugée déloyale de livrer bataille. C'était avant le Bureau des légendes qui rattrapait ce défaut de prestige de l'espionnage français. Parce que l'espionnage, s'il change de visage, reste un sale boulot. S'il s'est modernisé, s'il est aujourd'hui peut-être davantage assis face aux écrans, il fait toujours, pour citer Georges Langelanne, le mal pour le bien. Il reste un des avatars du crime légal, et ça, ça ne changera pas. C'est peut-être pour mieux. Merci beaucoup Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Odile Joissel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, comment archiver les révolutions arabes? Oui, 10 ans, c'est la journée spéciale aujourd'hui sur France Culture, mais nous, demain, nous archivons. L'enjeu est majeur.